Voilà, Karoua, Kaoutere, Détoua, Bon Samba, Bafou Sam. Allô, allô, Abena, Radio Bafia, c'est ça. Aha. Banalo Bay. Quand tu tombes, poisson à la braise.